Bonjour à tous, vous êtes dans l'émission Con & Ambi, musique jeudi, panorama des musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe, toutes les musiques créoles. On a introduit avec le nouveau titre de Djibril, Limbé, cet état dans lequel on peut se trouver lorsqu'on a perdu un être cher. C'est l'artiste lui-même qui le décrit ce morceau en ces termes. Le morceau s'appelle Limbé et on espère qu'il annonce bientôt la suite de son premier album qui s'appelait Lost Islands. Et c'est un compositeur de Guadeloupe qui se promène entre gros cas, électro et hip-hop. Et on va aller se perdre encore un peu plus dans la house caribéenne avec le nouveau titre Lose Myself de la chanteuse Kanem qu'on a découvert dans Con & Ambi. Musique jeudi avec son premier titre Let It Go. Elle nous sort un nouveau single. On ne sait pas ce qu'il annonce pour la suite. On sait qu'elle est déjà active sur la scène parisienne. Donc on attend impatiemment la suite. Lose Myself, tout de suite. Of me you used to adore. You stole my smile, my joy, my inner peace. You won't come back no more. You took the sun, you took the moon, but not my rhythm. I'm about to explode. I don't want you. Bonsoir si l'on l'air tant de chant la ça. Juste qu'on pour dix autres qu'un béret pas molli. Même si des fois un tchèta dans l'ilet la ça. Qu'est nous qu'a considéré qu'on pays maudit béni. Pays qu'a pas mal tête en bas soleil chaud. Mais moi saute qui en dit tant qu'est en nous. Son ma chambre là, ma pêche là. Qui drapeau pour symboliser nous? Qui drapeau pour symboliser nous? On fait bon histoire, on cultive. On fait bon histoire, on cultive. On manie nous qu'à vivre. N'ayons pas peur, allons ensemble, debout dans la calvasse de mon île. Politiciens là, avocats là, dans la calvasse de mon île. On tous ces jeunes là, qui viennent, qui semblent là. Jou Kevin, nous que faisons pour nous honorer mémoire. Sans fait colère et puis sans hypocrisie. Sans qui j'accoule et qui rouse et jardin et chaque pied bois. Par nous force nous la qu'a construit en pays maudit béni. Pays qu'a pas au mal tête en bas soleil chaud. Mais mon sauté qui en dit en qu'est en nous. La calvasse de mon île. On secrète là, on vire là. Dans la calvasse de mon île. C'est là qui t'a été par où vivre en disant là. Dans la calvasse de mon île. Intellectuel là, syndicaliste là. On a ralenti le tempo après Canem, c'était Dominique Coco. En paix, en histoire, en kilti, le titre dans la calebasse de mon île. C'est également le nom de son nouvel album qu'il faut vous dépêcher d'aller écouter. Dominique Coco, un des leaders de la scène musicale guadeloupéenne, nous revient après son premier vrai album depuis L'Esprit Cascode, qui date maintenant d'il y a 8 ans, dans la calebasse de mon île, avec plein d'invités qu'on retrouvera d'ailleurs. On écoutera forcément encore dans notre émission Conlambi, Musique Jeudi. On poursuit sur un tempo aussi très doux avec le nouveau single de Sinké, extrait de son album Chimay Limier, qui est sorti il y a un petit moment, mais son clip est sorti ce week-end même, donc allez chercher Chouval Trois Pattes de Sinké. Sout ki sa ki paleton alos ke ton ka permet kompran ki tout sa ki ka pase ni an sens depi an pa ka yale ka vire ki tout sa ki nyan douvan yan deye. Toujours ni bon l'odeur. Sinké, jeune artiste martiniquais que je vous invite à découvrir, Chimay Limier, son album. On a reçu un inédit d'un album qui n'est pas encore sorti. L'artiste s'appelle Doré. Il nous donne un petit coup de jazz. Le titre, c'est Yo. Ça nous vient directement de Martinique. Exclusivité, pardon, pour l'émission Code Lambi Musique Jeudi. Merci à lui. Yo, man, man. Hip-hop instrumental, house, caco music, ballet, jazz. Eh bien, il est temps d'écouter un peu de rap. On va passer au nouveau single de Easy Kenenga. Qu'est-ce qu'on fait ? QCQF, c'est le hashtag qu'il donne comme titre pour son morceau. Et on va enchaîner d'ailleurs tout de suite après avec un tout autre style. Ce sera X-Man. On vous en reparle dans un petit moment. Mr. Frankie. Hey les amis, Mr. Frankie m'a dit Easy. La jeunesse du hip-hop que voici. Regarde ce que tu peux faire pour mettre le people hype. Eh bien on y va, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je peux faire? Eh Frankie, écoute ça. Qu'est-ce qu'on fait? Y'a de la violence aux quatre coins du monde. Qu'est-ce qu'on fait? On se démotive, on abandonne. Qu'est-ce qu'on fait? On oublie les mômes et puis on fait péter des bombes. Chacun dans son camp, chacun dans son clan. Jusqu'à l'hécatombe. Ou alors on fait, en sorte de propager l'amour. Yeah. Again, dilemme, encore les mêmes problèmes qui reviennent plus violents qu'à l'ancienne. Catastrophe en chaîne, c'est pas nous, c'est le système. Mourir en paix, sans peine, en vivant dans la haine, sans gêne. On voudrait éliminer tout ce et tout ce qui nous dérange. On devrait oublier cette solution même si ça nous démange. Soldats de l'amour, pas seulement quand ça nous arrange. H24 avec tout le monde, même les gens les plus étranges. Peu importe les événements, on attend ou on devient le changement. On réagit quand on subit le mouvement, ou on agit pour y contribuer positivement. Peu importe les événements, on attend ou on devient le changement. On réagit quand on subit le mouvement, ou on agit inconditionnellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Y'a de la violence aux quatre coins du monde. On se démotive, on abandonne. On oublie les morts, mais puis on fait péter des bombes. Chacun dans son camp, chacun dans son clan, jusqu'à l'hécatombe. Ou alors, en sorte de propager l'amour. La paix est pour toujours. La promotion de ce qui nous rassemble. Qu'on puisse en faire la vie bien ensemble. Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'en fait sans que rien ne soit fait? Et est-ce qu'on refait les mêmes choix sans effet? Ou est-ce qu'on se défait de tout ce qui nous effraie? Trop longtemps qu'on en fait les faits et qu'on s'éloigne de ce qui est vrai. Qu'on valorise principalement les méfaits, qu'on ridiculise l'amour et ses bienfaits. Ça devient atroce, la situation se torse. On bombe le torse, on a oublié que l'union fait la force. Mais qu'est-ce qu'on fait? Y'a de la violence aux quatre coins du monde. On se démotive, on abandonne. On oublie les morts, mais puis on fait péter des bombes. Chacun dans son camp, chacun dans son clan, jusqu'à l'hécatombe. Ou alors, en sorte de propager l'amour. La paix est pour toujours. La promotion de ce qui nous rassemble. Qu'on puisse enfin la vivre ensemble. Elodie, 23 ans, à la recherche du prince charmant. Femme sérieuse, très très simple, il pas qu'arrivé ni pièce diamant. Il décide partir en France, bah et il blie, mais juste avant. Il est profité du dernier semaine, vacances li à fond. Frédéric, 27 ans, mignon, musclé, excitant. Il a géré femme en grand, jusqu'ici rien d'inquiétant. Mais Frédéric toujours a dans des vieux plans, des histoires embêtantes. Très intelligent, il toujours ni argument en béton. En soirée, en DJ, li aspillé qu'a gaspillé. Champagne qu'a coulé à flot, Frédéric fait qu'il rimatché. Même si Elodie pas matérialiste, y a tiré. Pour que la swag bagaille sérieux, donc Elodie l'a caveillé. Session zouk la balancé, Frédéric Jacques avancé. Comme par hasard parmi eux toutes, c'est Elodie qui plie chancé. Bonsoir mademoiselle, enchantée, je vous vois seul donc j'ai pensé. Que vous auriez peut-être aimé que je vous invite à danser. Enlacé, toute soirée ya yo la ka ambiancé. Sans fossé, numéro, téléphone, jaka échangé. Sans penser au danger, mode amusement enclenché. En si mani karete, Elodie au pays pour prendre en pied. Donc histoire la kay accéléré. WhatsApp, rendez-vous yo jaka célébré. A base de ciné, tous les dés, l'hôtel, tous les dés, resto, tous les dés, tout bagay toléré. Ça ka fait vite, flap, flap, bim, badam. Elodie, j'avis grand divine. Madame, il passe à Frédéric Pan, y est à dame. Il a check Elodie pas si capati Panam. Panam, yes, Panam. Il a check Elodie pas si capati Panam. Yes, Panam. Il a check Elodie pas si besoin fait en passage. Il besoin fait cocaïne rentrer en France. 200 grammes dans le vagin ou bien chien pas rentrer en trans. Bah, Frédéric, c'est en chance. Elodie, j'adore la l'offense. En plus, si j'en ai billet pour la France, donc bah, c'est moins dépense. Mi joué par l'arrivée, donc Frédéric a crié. Elodie, pour monter en service, mais en réalité, Inimatos a livré en farine de qualité. Et comme l'amour en t'aveugle, en 10 minutes, ça validé. Le temps, Elodie dit oui, Frédéric, j'ai appliqué. En l'emmène, yini, en pain cocaïne préfabriqué. La bonne méthode appliquée, compactée et plastifiée. Elodie pas qu'à réaliser, ça y'a qu'à trafiquer. Direction aéroport Fort France, m'en pédi Winnie en drôle d'ambiance. Frédéric a prié pour Elodie, mais t'y prends chance, il pas les pètes l'argent, pièce. Si qu'à bail les dernières instructions, Elodie qu'à coûter attentivement. Il pas les réveiller en prison, donc il qu'à répéter les grands inactivement. Ah, c'est pas les éleurs d'en parquer. Elodie pas les faire quand il remarque. Il qu'a mandé quoi ici, il bien préparé, mais il qu'à aller tout bagay carré. Il rivait passer la douane tranquille. Il trouvait ça t'es facile. Il j'a assise à nos places li. Décollage direction Orly. Et conclusion à Paris. La valise récupérée. Direction la sortie. Mais la douane qu'a contrôlé. Et bien évidemment, il dit bonjour seulement. Il paniquait. Pardon jeune fille, auriez-vous quelque chose à déclarer? Elodie tellement choquée. Il pas quand même rivé parler. Oui, non, non, Elodie qu'a dépalé. Pourquoi vous transpirez, mademoiselle? Veuillez nous suivre à côté. Ou j'a connaître la fin. M'en quoi m'en pas même besoin raconter. X-Man, plus bad DJ qui n'y a Tema Dinina, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même dans l'intro de sa toute dernière mixtape The Baddest. L'artiste, dans un registre un peu plus léger que ce qu'on peut jouer le plus souvent sur Code Lambi, revient avec un projet assez intéressant, même du dancehall sur des riddims, des douettes comme on dit, avec très peu de notes, mais avec une autre verve au micro que ce qu'on entend d'habitude. X-Man, et on enchaîne, on part du côté de la Guadeloupe avec un DJ, un autre style de DJ, qui a beaucoup de succès, beaucoup de buzz en ce moment et c'est mérité. Il s'appelle Tikim G. Son nouveau single s'appelle La Belle et la Bête. Jalousie, j'ai tué l'homme, mon girl, ou pas ni bon confiance à dans moi. A bé par été trop loin de vous, pas savent quand enfermer ça pas rien. Sourire en carrément moins fou, en zéa en vrai tristesse à la tête. Pas t'es j'en comprenne que c'est vous, qui t'es que fait moins marcher à l'appel. Mais si là est nos rendez-vous, en qui parti avec ça pas rien. Ou j'ai essayé, mais ça pas la peine, nous qu'à vivre dans des mondes parallèles. Village à qu'à défiler, si moi avait un pas ni encore. En qui laisser ça tomber, et même si ou aimé moi en l'eau. Vini, vini, oh wa, moi m'en fous à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé ou en bras, moi qui garde ses nids aux alentours. Parole pas si content, moi, c'est avec un homme fou. Pas ça sans fait par en moi, paranoïa là, ben moi doute. Vini, vini, oh wa, moi m'en fous à ça, yo pensé de nous. Vini vlopé en bras en moins qui garde ses nids aux alentours. Et si ça t'est ni pour fin, girl, en pâté que regretté rien. Sentiment en moins touché limite, relation en nous pâté ni valeur. Sous t'es rété ou en moins, sous t'es rété en bras en moins. Si en t'es rété seul, la yen de tout ça pâté qui fait. Problème t'es qu'à prendre en moins, vous même à tout ou pas changé rien. Parole à yo, pas t'es pour moi, ou fait tort, ou moi même en fait en moins. En vérité, en paix j'ai oublié. Flèche à Cupidon passé derrière, il paye que j'ai ou tout. Vini, vini, oh wa, en moins, m'en fous à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé ou en bras, en moins, qui garde ses nids aux alentours. Parole pas si content, moi, c'est avec un homme fou. Pas ça sans fait par en moins, paranoïa là, ben moins doute. Vini, vini, oh wa, en moins, m'en fous à ça, yo pensé de nous. Vini, vlopé en bras, en moins, qui garde ses nids aux alentours. Vini, vini, oh wa, en moins. Vini, vlopé en bras, en moins. Parole pas si compte en moins. Pas ça sans fait par en moins. M-A-N-E. What's up? What's up? Freestyle. Yo. Mani en programme au souhait, c'est la fête patronale. Moi qui rentre, bon, qui moins dans l'état pas normal. Je dis moins pas rentrer tard, yo j'a fait moins la morale. Ça normal, femme moins ni mort, moi j'a fait la totale. Il fait à danse, snack, moi j'a joué 5 camarades. Longtemps que yo pas ouais, moi yo les comme un break on malade. Yo dit, premier coup à coup, ni de la biette ou pas tout. Après la 8ème tournée, moi sa vie j'allais pour pâti. Moi j'habitais, si les papis, les mamies, les tatis, les tontons. Ni des chumaïques à manger, barba, papa et puis bonbon. En les podiums là, ni en zouk, et qu'à chanter en son. Mon pas sav si bon, si pas bon, mais il a qu'à ambiancer tout le monde. Est-ce que zot paré? Oui! Pour veiller monter, on tape, on tape, on tape, tape, tape, on tape, on tape, on tape, tape, tape, ok. A pas la fête, on j'ai attrapé en maltête. En pas ni de l'ipoine, donc on caille prend la bien en canette. Ni des fèques à garder moins et puis des têtes pas nettes. Zéye l'auto-choc là, ça qu'a senti, zébé cigarette. Qu'on pas qu'à tomber, qu'on conne, moi j'attends, y'on des coups de trompette. Moi ni des hommes en caille là qui ni, plus qui 12 conquêtes. C'est la fête patronale, obligé prend un coup de trompe sec. Assiré pas peut-être, en pas qui rive et marcher douette. Ok, laissez la fête, moi nous j'prédis qu'à ils est chou. Faut qu'on y en parapluie et puis en pull pour couvert court. Ok, t'es ni en temps, c'est jouer tiloto et chouval bois. Actuellement les chums là c'est jouer tablette à dans Kaela. Faites patronale obligé en descendre soudé là. En soif et en caille senti en caille clôturé couplé à. Faites patronale c'est bien mali ou caille trouvé là. Bien doux et puis en Guinness en l'emmène qui a chanté ça ou savent. Ok, est-ce que zot paré? Oui. Pour veiller monter, on tape, on tape. Là, il n'est pas question de champagne, de carré VIP, c'est la fête patronale pour tous ceux qui ont l'habitude, qui ont connu, qui connaissent encore les fêtes patronales, les fêtes de communes. Vous avez compris qu'on est entré dans la section hip-hop créole de l'émission. C'était à l'instant un inédit du MC Mali, produit par Rilsi, un inédit à trouver gratuitement sur internet. Fête patronale, le morceau qui nous fait plaisir. On va partir sur un autre inédit, un autre morceau encore gratuit. Le hip-hop créole est vraiment très généreux. C'est le groupe Ishango Sound de la Guadeloupe. Science locale, Jamal Fines et Manu Dishango. Yes, yes, yes, yes. Ok, yale. Lyrics, fun con qu'on coûte ça, hip-hop vin bizarre, qu'on gagne slim camouflage. Mon maman nous lâche, jamais que page des pages, du calme bavardage, du jazz et image et héritage. Je la nous qu'a fait ménage, même s'il faut qu'on zoome, pas ni vibe, pas ni phase, on est efficace. Ni mi classe, ni mi gas, les colonnes ou éternelles, qu'on gazelle à 10 gaz. Quand le son révèle le big bat, qui révèle le big bass. Du café pour everybody, énergie à 6 masses. Ni place passe, ni pile ni face. Matériel universel, qu'on message à Ignace. Science, fréquence, qu'on puissance, nous efficace. Si bon fréquence, c'est quand je lance, il va relax. C'est que mon imas, ta ko aïe, jamas, ta calbas. Là, depuis ta ilinastas, boss nous pour colas. No ni flow, no ni. Lyrics, lyrics, no need more, no need. Spirit, spirit, way. Flow, please more. About music, music, way. Flow, please more. About music, music, way. Grangine et mélanoderme devant l'éternel. Un coup de chonnette, rien de passionnel. En quête d'une résonance harmonieuse substantielle. L'homme est aussi africain. J'trouve puissance multidimensionnelle. Finesse massive, ce phénomène interpelle. J'tag du mic comme les X-Men. Manifeste une tendance naturelle vers l'essentiel. Ishango Sound, musique urbaine, go du PN. Mon man, on leur accorde une importance. C'est particulière à celle-là, c'est un. Gloire à Jah pour sa lumière. C'est pour atteindre l'élévation. Pure pensée spirituelle, propre au fils de Cham. Tous dignes de l'éthène. Amen. Les bébés, architecte de merveille. À la manière des messésaires immortels. Diffusion de love universelle. Interstellaire, grêle, poussière, infinité. Supreme qui date de Mathusalem force. Ladies and gentlemen, no need, lyrics, lyrics, lyrics, nous ni mon. Nous ni spirit, spirit, ouais. Flow plus mon. Cabao, music, music, ouais. Yeah. Ça c'est pour les frères d'outre-mer qui roulent les airs, surtout depuis qu'ils ont quitté notre tout petit bout de terre. Pour ceux qui cherchent mais qui se perdent dans ce que c'est qu'être antillais, qu'ils ne prennent que les grands clichés, qu'ils essaient de nous réduire à du zouk de merde. Oh oh, franchement, t'entends pas les cris de mécontentement des esprits des anciens qui surgissent encore de 20 milieux sous les mers. Vous avez des oreilles et une conscience, bon sang, mais ouvrez-les. Oui fils, dans cette ère super dure, on se doit d'écrire des lyrics qui perdurent et qui percutent le corps, le cœur et le cortex, comme un coup de tambour qui pouvait étouffer le bruit d'un coup de fouet ou des coups de bambou. Le chant de l'ordre scandé en cœur est bien orchestré par les mêmes maestros. Plus près des fausses notes jusqu'à ce que les maîtres maestros. Car la tradition veut qu'on se libère de la partition comme nos pères de Akio. Aïdio. Capoté, collet ou l'amou. Des petits premiers soleils qui fait ouais d'où vent joue. Entends mettre tes pieds coupés oreilles. Nègle, ne t'es qu'à voyer, coûte sans bou. Ilou, qu'à danser la tcha dans bien. Nous pas les doigts entraîner pour définir de chérier. Travaille pour taille, j'en mets pour tant nous. C'est bagaille pour grand fou. Mes créoles, c'est pas fait d'ailleurs, pas fait les baïsiens. Même si ça plairait ben et souffrance nous. D'ailleurs, car il est pas privé les vies différents manières pour grand chou. Et moi, qu'à faire avec force, qui était là avant. Rap créole sans garder qui s'accavance. Si pas check ou pas adeuil. T'as c'est pour ça qu'à just mettre coyo qu'à faire hip hop sans réfléchir trop pour mettre peuple de tout vent boug. Ou pas obligé rapper en les belles gros cas. Mais au lieu d'éviter ricross, essayez prendre local. Moi c'est Book Dicos, Matinique à rapper juste Paris Stone. Gagner lyrics, la passe distom. Flow technique à dribbler au passé Chris Paul. Chiré au gros papier pistol. Pression musique, la café Dixton. C'est l'école hip hop, Bokai, big up. Sous les bats, j'ai Vincent. Mais si c'est bail, j'ai dit Bolom. Qui l'idée au nom, qu'est-ce que stopper au propre pour ton ton. Moi qui t'es libéré au main. Anglais pas bon, moi, pas moi, créole numéro yon. Vous êtes toujours avec EDS dans l'émission Musique Jeudi. Nous sommes passés par l'électro, nous sommes passés par la house, le jazz, la musique caco, la trap. Et vous avez compris, là on est vraiment ancré dans le hip-hop créole. Hip-hop créole au sens où on l'entend, c'est-à-dire pas simplement du rap en créole, mais vraiment une expression du hip-hop qui soit authentiquement martiniquaise, authentiquement guadeloupéenne, authentiquement ce que vous voulez, mais authentique. Et à l'instant, c'était le titre de mon propre collectif, Lâcher Chivé, les ateliers Lâcher Chivé. On invitait Sébastien Drumeau ainsi que Mano Dichango, qu'on a entendu juste avant dans Ishango Sound. Et le morceau s'appelle Tamboula Jabout. Je profite de cette occasion pour préciser qu'il s'agissait d'un sample de Henri Guédon. Et en février, nous célébrions les 10 ans de la mort d'Henri Guédon, cet artiste martiniquais, artiste peintre, mais surtout, on va dire, en ce qui nous concerne, musicien de génie. Et histoire de vous présenter un peu le projet qu'on lui consacre, Lâcher Chivé, et qui va sortir ce mois-ci, le EP Henri Guédon des ateliers Lâcher Chivé, entièrement créé à base de samples d'échantillonnage des morceaux de l'artiste. On va écouter tout de suite, en hommage, un original d'Henri Guédon. Le morceau s'appelle Bomba Musicien, et on enchaînera sur ce que nos ateliers Lâcher Chivé en ont fait avec le titre Chauve-souris. chauve-souris. Passe-moi, c'est un musicien. Travaille-moi, c'est passer l'ennui. Tout le monde, tout ce monde-là. Manque à jouer depuis 10 ans. En pauvre point, anti-poste. Où ça commande anti-bomba. Où ça fait péter bombe-là. Va crier, moi, chauve-souris. Passe-moi, c'est un musicien. Travaille-moi, c'est passer l'ennui. Tout le monde, tout ce monde-là. Manque à jouer depuis 10 ans. Mon pauvre point, anti-poste. Où ça commande anti-bomba. Où ça fait péter bombe-là. Quotidien artiste, pour les moins tirs, monter groupe live, faut nos familles en garder monter. Privation table, sans bête foi, est sous paré. C'est bien, on s'attrape, mais pas en trappe, on attend ni l'année est ça, pour arriver au top, quoi, moi. En vérité, bon Dieu, criez-moi 40 fois, chauve-souris, bon, on s'en va, vampire. Criez-moi, chauve-souris, passe-moi, c'est un musicien. Travaille-moi, c'est passé l'ennui, pour plaisir tout ce monde-là. Criez-moi, chauve-souris. Passe-moi, c'est un musicien. Travaille-moi, c'est passer l'ennui. Moi, pas besoin du loge, puis espace VIP, je sentis love. Surtout si mon chant c'est gratuit, mon qui wallou, et puis ça fait flatterie. La jante pour bon moi, si pas ni pas dig, pas wall, pas plein bout d'un artiste. Quitte sa bas acte, actrice. Prochain quoi, moi qui sa mène n'est factif. Passe-moi ni pour payer baston, pour batterie. Moi, chauve-souris, passe-moi c'est un musicien. Travail, moi c'est travail gratuitement pour plaisir promo. Mais c'est ça, il est gâti. Mais on comprend c'est où, Dix ou pas fait platine. On va faire y faire, par moi première partie. Mais si on parle, ça fait que Roger rapide. Parce que y'a artiste qui dit artiste. Criez moi chauve-souris, parce que c'est un musicien. Travail, moi c'est passer l'ennui. Pour plaisir tout ce monde là. Criez moi chauve-souris, parce que c'est un musicien. C'est souvent le même réveil. Tête dans le cul, merde tendue. Nerf tendu, cerne pendu à mes globes oculaires. Comme un père à son phone dès que sa fille lui dit je sors faire la fête. Mais sans mon frère, s'il te plaît, ne verse qu'une lame. J'ai la face au blic façon tableau de Picasso. Et je marche au bif au radar. Et le regard hagard, le cerveau en bazar. Obsédé que par des mélodies. Mais je reste en éveil. L'œil interne actif analyse le réel sans être naïf. Tout ce que mes sens perçoivent m'inspire. C'est l'essence de ma rage d'écrire ma seule alternative. Ma thérapie, chaque nuit je prépare mes valises. M'apprête à partir vers ma petite galaxie. Et pas dit que c'est moi cassant mon chauve-souris. Et tout ça c'est belle fatigue, c'est l'esprit qu'à courir. Atelier La Chéchivée, le EP Henri Guédon qui sort incessamment sous peu dans, durant ce mois de mars. Et une dédicace au passage pour Gladys Guédon qui suite aux ateliers nous avait invité à la cérémonie d'hommage pour les 10 ans de la mort de son père Henri Guédon. Je vous invite à aller découvrir un peu tout ça pour notre part. Atelier La Chéchivée, c'est notre second EP. On avait consacré un premier EP au groupe Cassave. Et donc voilà, on poursuit tranquillement notre chemin. Et nous, on va rester dans l'hommage hip-hop créole parce que l'émission n'est pas finie. On va jusqu'à 17h. Et maintenant, je vais vous parler d'un artiste qu'on a déjà reçu, qu'on a déjà interviewé plusieurs fois, Cacophonie Beatmeka. Mais je pense qu'on n'en dira jamais assez. Et il se trouve que ce mois-ci, j'ai vu une mixtape qui est sortie, une mixtape très originale et qui ne devrait pas l'être, mais qui l'est. Je rappelle que les mixtapes, à la base, sont des cassettes mixées, mais que certainement vous ne connaissez plus que les mixtapes en MP3 ou même en CD il y a quelques temps. Cette mixtape est en cassette. Alors, je ne sais pas si vous avez les moyens de lire les cassettes chez vous, mais je vous invite à commander Digital Zandoli. Si je traduis, ce sera le Lézard Digital. C'est une mixtape avec une intro, justement, de Cacophonie, une sélection de titres de Zouk Digital et autres qui vont pousser vers la funk, etc. Allez sur SoundCloud, tapez Digital Zandoli, ça mérite d'être écouté. Et en même temps, après cette nouveauté, j'ai un site, une page Mixcloud qui a aussi surgi, qui s'appelle Rap Creole Station, Rap Creole Station, créole avec un K, K-R-E-Y-O-L, qui recense toutes les mixtapes de l'âge d'or, on peut le dire, de l'âge d'or du hip-hop créole, fin des années 90, début des années 2000. Alors c'était vraiment encore une apparition voilà, de Cacophonie, qui est encore à l'origine de cet archivage, puisqu'en plus, en plus d'être un beatmaker, compositeur de grand talent, c'est aussi un collectionneur de disques. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, simplement, je lui ai demandé de nous présenter un peu ses projets, donc je lui laisse la parole. Salut tout le monde, salut Edson, émission Con Lambi, musique jeudi, dimanche 6 mars 2016, c'est Cacophonie, DJphonie, du Karukiraku, hip-hop créole, Guadeloupe, Massive. Merci pour l'invitation, je vais essayer de suivre ton petit canevas que tu m'as laissé sur la boîte mail. Donc on va commencer tout de suite à parler de la mixtape Digital Zandoli que j'ai fait avec les disquaires Diggers Digest et Nikos Cliris. Ils m'ont contacté en fait pour faire l'intro. C'est eux qui ont fait la sélection des morceaux et donc ils m'ont contacté parce que d'une part ben, le zouk des années 80 c'est une musique que je connais relativement bien et aussi parce que je suis beatmaker et donc ils voulaient que je rajoute une petite touche je dirais hip hop à cette mixtape, en tout cas à l'intro. Donc, on va s'écouter l'intro et puis on va en parler tout à l'heure. A tout de suite. Et les autres tout qui là, qui étaient moins des autres aussi, j'en m'en content. Ils me disent que j'ai fini, bon petit bois semblé, pour tes paroles, à conférence à moi. Parce que des bitins qui ont intéressé le pays là. Et si j'ai fini, ça voulait dire comme ça. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? M'en venu écouter, garder anti-musique. M'entends anti-musique qu'à glisser, descendre tout doucement. Ici, vous avez devant vous Digger Digest. Monsieur, vous savez qui vous avez devant vous là? Docteur Nikos Cliris. Cacophonie. Digital Zandoli Mixtape. Le palais. Ici, On ne joue pas la banale musique que vous entendez tous les jours à la radio. Moi, ouais, ça est. Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Ouais, moi, j'entends ça plutôt, hein, parce que musique, ça a quand même glissé. Voilà, donc là c'est l'intro donc, de cette mixtape, telle que je l'ai conçue. Elle apparaît pas tout à fait pareil sur la version finale, mais la cassette reste un bon produit, quelque chose qui s'écoute bien. Donc trouvez-la, achetez-la, supportez. C'est la musique de chez nous et ça le fait. Bonsoir mes frères, bonsoir la public, la vérité. Voilà encore une autre intro, celle de ma mixtape Hip Hop Créole, sortie en 2000. Ben voilà, c'était pour introduire le deuxième sujet, en suivant toujours ton canevas, concernant Rap Créole Station. Donc Rap Créole Station, c'est une page Mixcloud sur laquelle on peut retrouver ce que je considère comme étant les incontournables du rap créole de Guadeloupe et de Martinique. Donc on trouve des mixtapes de DJ Moody Mike, des Nek qui pas qu'à faire la fête, du Karukera Crew, de Dafanchu, de Ilphoniste, enfin tous les groupes et les MC et producteurs qui ont bien œuvré dans les années 90 et au début des années 2000 et qui sortait encore des mixtapes en cassette. Donc ça a été un travail ardu, un travail long, mais que j'ai fait sur le long terme, hein, quand j'avais le temps de numériser en fait toutes les cassettes et donc de décider aujourd'hui ce que je voulais déjà faire depuis un moment, mais j'ai eu le temps de le faire aujourd'hui. De compiler donc toutes ces mixtapes sur une seule et même page de manière à ce que ben, tous les aficionados du rap créole puissent trouver ce que moi je considère donc comme les incontournables. Donc on a eu un extrait là de la mixtape Hip Hop Créole sortie en 2000, mais il y en a plein d'autres, donc allez voir. C'est Rap Créole Station sur mixcloud.com. C'est Jacques Honnête. For the time ticks on to the early morning breaks of dawn. I'm an emperor whose empire crushes the pawn. I gave birth to a novel scene. Still in the cream, whoop, blow out your smoke screen. So, nigga, freeze, cause it's MC in every degree. Can't have a punk spilling head cheese. Socrates, a felon. In this rap game, rebelling. A rock stadium like Van Halen or Bruce Springsteen. What is war good for, my nigga? Even when cash rules, you still lose, my nigga. Quoting the words of a shoddy. Well, who is becomes who was, and who could have been will never be somebody. All I want's a green in my team. The earth is mean, so I plot mad fucking teams. wild for the night. Fuck being polite, my nigga. You're drowning in shit creek without a fight. What, some old sight shit? You wanna battle? Touch the mic and see how close you might get. A bust your mental blink and send you back to your dimension of whackness. Doors block and end with a backflip. So then the beat becomes shank. Let the fat woman scream, it ain't over till I finish my skank, nigga. Ben voilà, l'interview touche à sa fin sur ce remix de Socrates, Phase Time. Merci à toi Edson pour l'invitation. J'espère que vous avez passé un bon petit moment. On n'a pas écouté grand chose, mais bon, c'était cool. Merci à vous pour le soutien. Big up à vous de m'écouter. Vous pouvez me suivre sur la page Bandcamp. Cacophonie, A-K-O-P-H-O-N-I-E sur Bandcamp, SoundCloud, Facebook. Voilà. See you. Et point cool. Apita. Big up. Up, up, up, up. Kings in the ghetto, emeralds and fat diamond rings. Stay alive and strive. Let a nigga know that you're real. Un grand merci à Cacophonie Beatmeka pour ces quelques mots, pour avoir introduit pour nous ces deux projets très différents. La mixtape digitale Zandoli du Zouk Digital et bien plus encore, qu'il faut absolument aller écouter sur SoundCloud, très original. Et même si vous pensez que vous n'aimez pas, vous connaissez déjà ou que vous n'aimez pas le Zouk, allez écouter Digital Zandoli dans un premier temps. Dans un autre temps, un tout autre travail sur la page Rap Creole Station. J'insiste, ce sont des mixtapes de légende qu'il faut absolument aller écouter. On pourra même y consacrer toute une émission pour revenir sur cette créativité qu'il y avait dans le hip-hop créole au début, au tout début des années 2000, fin des années 90. J'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui on entend du rap en créole dans la tendance trap qui n'a rien de mauvaise en soi, mais qui a ce défaut par rapport à cette époque-là où on se contente de suivre la tendance imprimée par les Américains, alors que comme vous l'avez entendu dans les quelques beats, les quelques sons à l'instant, c'était un groove très très particulier, très original, très novateur et avant-gardiste, c'est-à-dire que ces mixtapes que vous pouvez aller écouter, qui ont peut-être 15 ans aujourd'hui, à mon sens, sont un peu plus en avance que la trappe répétitive que vous pouvez entendre aujourd'hui. Cacophonie l'a dit lui-même, il a mis très peu de musique. Dans ce cas, on va rattraper ça dans les 5 dernières minutes de l'émission. On va écouter un extrait de sa mixtape hip-hop créole dont il a parlé, dont il a joué l'introduction. On va écouter le morceau qui arrive juste après. Je crois que c'est Baby G et Tismé, Mano Dishango qui sont au rap. Et si on a le temps, on va caler un petit bout de la mixtape Le Gang des Antilles, un petit bout de la mixtape Trinity Flow initiée par Neg Lyrical des Neg qui pas qu'a fait la fête. Con Lambi. Savent que nous on l'était à pour un moment, était à San Jung, et surtout pour tout le monde qui sortit à 7000 km de Vinicia, qui savent qu'ici a ces combats. Hey yo, Fony, session rec, j'introduis aujourd'hui un nouveau produit, session rec, l'eau qui coule sur un fruit comme l'eau d'un conduit, session rec, qui s'en a conduit, on paquette à MC, un orbite sur fat, beat créole à la pluie. C'est pas les boucles, les bagues, les nègres, les hommes, les zigs, local, quantifique, niglimètre, boutchou et fatigue, soleil là, tête là, où connaître qui c'est là, on bat son beat pour souquer tête là, check ça. Qui ça qui a fourni, DJ Fony, différents coloris, toujours tropical symphonie. Ce sont la poulette à quoi, bon, cacophonie. Si Kabaoli, c'est des belles ou high style. Je dis joue, c'est joue, j'y nous quand elle fait un bon J. Ouais, à gogo, j'ai son an, j'ai pas songé à logis. Musique énergique pour mental, pour physique, pénagie. Modèle, mot, flow, hémorragie. DJ Fony au contrôle, parole. Au kilomètre, pour mettre que y'en a official. Papa met son, papa dit y bon, si y bon. Si vous pas qui ça, valez où ça. Traduction, hustle son mon garçon. Si tu savais pas maintenant, tu connais le nom. Les français créolophones, nos microphones, ça sonne. C'est écrit dans nos chromosomes comme l'amour du rhum. Différence, donc richesse. Pas solide, donc peu de faiblesse. Prends ça comme un anti-stress. Toto, les West Indies frappent à ta porte. Rajoute un peu d'épices dans ton hip-hop. Si ou pas, t'es ça, valait ou ça. Allez ou ça. J'ai dit Baby G et Tismé, mais en fait, ce qui manque, c'est le tracklist. Il me semble que c'était plutôt Edinho. Donc, je vais confirmer ça, mais peu importe. Vous avez entendu, c'est hip-hop créole. On enchaîne avec le Gang des Antillais tout de suite, avec Leslie au microphone. Be dit main bis quaternaire. Sans faille un trip, Madine Caraïbe, c'est juste là derrière. Laisse la yarite, ça fait une goutte papaye de vitamine. Citadine, caille fermière, du root style, pas la dernière. Trouvaille du hit machine. Excuse, on refuse le slick caliné, féminé. Use vise à éliminer les féminés, miné, iné. Du stick, j'abuse, effréné dream, je m'amuse. La prime ciné, je récuse. L'épine minée me méduse, fuse. Dans le commencement de notre rayonnement post-colonial, porte un toast au mentor, reste un poste aux forces colossales. Pour mon peuple, chez le démon, l'occidental, l'homme blanc, le mal follement, colon mental, mollement, lentement me soigne. M'éloigne de tout ce qui est fait sans amour et foi. Soif de jour, sans loi, à court, sourd et sans poids pour une fois. Faut s'adonner pour pardonner, t'abonner pour cartonner, assommer, affoler les marques, mais y a pas de monnaie à donner. Connais le signe éternel, vol coller la ligne paternelle, corps soumis, le noir s'oublie, sonner, médine, interpelle. Mon art n'est pas une profession, mais un engagement. Pro raison de session, pression d'argent, le langagement, lâchement. Objectif positif, chassé, tu trouves pensé. Musique c'est seul travail nous qu'a fait plaisir. Chanter c'est Jerry mais plein tout le monde ça pas ici. Un grand merci par tout ça qui sincère. Respect nous qu'a menté avant les succès. Nous les rivés mais nous pas les vrais succès. Quatre gens et j'aime mon a souffert. Ça qui s'annule ou les autres frères fait. Mais les bons Jerry ça y'a fait fait. La parole toujours là même les y'a tout fait. Soleil qu'a clairé même les nuages qu'a serré. Tu savent qui l'esprit c'est celle qui peut serrer. Voilà, on a voyagé un peu avec ces quelques sonorités hip-hop créoles. On rappelle le site, la page à aller consulter de toute urgence, histoire de se faire une petite culture dans le domaine. C'est Rap Creole Station, une page où Cacophonie a réuni plusieurs projets incontournables du hip-hop créole. Vous avez entendu beaucoup de nouveautés. On rappelle Musique Jeudi, Code Nambi, Panorama des musiques actuelles de Martinique, de Guadeloupe. C'est le premier dimanche de chaque mois de 16h à 17h. C'était EDS et je vous dis à la prochaine. Objectif, positif, objectif, positif.